Bijou Nathalie. Bolingo ya sante nzinga lele trompe anga motema na plaisir. Nandi makite qu'un jour okoka ki koyela ngai. Bonheur oyo lelo nazo vivre nango. Ya yo ya yo ya kodefa pasi. Mingi bakota ba marabu nganga kisi pona koluka makwela. Yanga sante nzinga libonza bakinela ngo likolo. Losamwe pola kate tala lelo nzamba ya noli ya mwaga pe. Amen. Amour éternel. Nzinga mote mano yon bouchure a fleuve ya ba sentiment nangai. Na océan d'amour na yon aza seul poisson ya rinyaka kwenti kwenti na profondeur ya ba caresse ba câlin. Mon cœur t'appartient au santé yo wanga. Au sucre vinanga na huile de miel la tendresse. Pour multiplier ma larme à la joie par nos bras d'étoiles. La localiste sonini, santé manasso kina yo. Jean-Jacques Mukuna Junior de la maison. Nabakare fouria mote mananga befijise ya yo. Unité centrale ya vinangaï. Curseur ya venir et pointe à casser bano yo tobota. Elembo ya bolingo, ba promesse, ba serment, tola panakando te komi réalité. Santé nzinga, suis la veine, t'es mon sang na jardin d'Eden. Et va zanga ki yo pona prince ya ko zanga passion. Eh nga yo, zoka tazala ki déclare la beauté na yo, yangole lo zanga. Adeline Panzu top model. Nzambe ne ya signe vestiture na yo na vie na ngai. Pachelo pe basanto babota yo bine minite. Nga na sina kaka sante nzinga na ngai. Motema ekoma ya ye Jules Kita Sumu Excellencia. Eh nga yo Kanta ya lala Zemia Bilamba Wilfried Bompili Serge Paloukou Bruce Mpangi Vicky Jenny Galion Foule Louki sous le chinois noir Nangwanzu Mambo Massia Solution Papa Zouaka, il est Maïndou, le mannequin de Paris. Amour à santé, portez bonheur, trésor caché. Igor Balou, bâton de Moïse, au cabon ancien, mon léon pour l'équipe de chacun. La vie n'a pas Nathalie, tristesse et comment expulser. Mon abonnez-moi santé. Et loulou, voiture. Dis-moi, au contraire, y'a souci. Hakuna Matata. Si tu es un paradis sur terre. Dis-moi jamais sans toi. Même dans mes rêves. Dans un seul acteur alors que jamais n'a pas Mukuna. T'es non dit tu traînes bas désir. Bas satisfaction à Chombo. Amour en or c'est l'exploitant de mon cœur. C'est toi santé zingana. Mika bimo bimbana. Yo santé pour toujours. Kozanga yolo kola avion. Bati Bicentouin, l'homme idéal, Junior Monia, le doyen Cyril Mandiang, Rich Maïkofi, Germain Gobila. Tu es digne d'occuper le trône de mon cœur pour mon David. Ton sourire insecticide, pour bien en aka toute forme d'ennui. Bololo ya détresse, et beau san adresse anti malangai. Féroce Pinto, Jires Kondé, Christian Chadikin, Yannick Kaya, Jean-Jacques Monduka, Michel Mikoto Cantelo, Alain Yengo. Nolitamo, trois fois sage. A toi, Tata Mobich. Papa chéri, check. Oleki Bamona Bolata. Aïe, aïe. Daddy célèbre Vicente Carleone na Grenoble. Rionde Kita Yangoyo. En mémoire des pères de la sapologie. président Mouchanga Chardel. Ruffin Caramel la flamme, Irene Kazadi, Magali Talo, Amba Boto, Corneille Mwanza, King of London, Peter Bengongo le grand Mundibu, Z plus en coltan de London, Zaba Menga papa français, il était comment? Nikes Bayaka Père Céleste, fils de Dungu, toujours bien sapé, Michel Lutumba, Trésor Nando, héritier Scramwell, Patrick Meka, Piscas Casson, leader à film, l'archevêque Fata Kimbala, Didien Zong, Hakim, prince de Lausanne, Cyril Kinanfou, moi bilélé, Bonayon Jikim Pavita, history no change, papa forme espérance en foula, Modogo da Franco Ferre, un poumon poutou, papa gris, les léopards de la sable, petit chinois, Akangamie, le monument Joka Sanji, tout le père. Adavero, Eric Komi, Trésor Vouvou, Philippe Fekele, Papi Moulopwe, Fadi Ambozo Yokeba, Adelar Menga Euro Million. La Meso, Eric Kibangu, Alain Bampele, Greg Bengalor, Nabonanga, Papa Parazi, Nathalie Azayanga, Wilbrick, Aïe, Papi Moutoumosi, jeune homme amoureux, Martin Smassinda, Elamba Nelamba. Balanga, la Scandinavie, Patrick qui me fouille d'y baboter, papa na carte.